Merci Marie-Hélène. 19h30, c'est maintenant le magazine d'archéologie de France Culture, le Salon Noir. On le sait peu, dans la longue histoire de l'homme, quelques 500 000 générations nous ont précédés. Dans ce long filum entre singes et hommes, il nous faut alors remonter vers un ultime ancêtre commun, il y a bien des millions d'années. Professeur au Collège de France, Michel Brunet est le découvreur du plus ancien hominidé, notre plus vieil ascendant, Toumaï, et ses 7 millions d'années. Mais pour autant, cet exceptionnel fossile pourrait-il être ce fameux et ultime ancêtre commun entre singes et hommes? Darwin l'a dit, nos origines sont africaines. Mon invité en a aujourd'hui fait le titre de son livre « Nous sommes tous des Africains » paru chez Odile Jacob. C'est chez son éditrice que j'ai retrouvé Michel Brunet pour savoir, en ces temps troublés, que si nous étions tous des Africains, nous étions par essence aussi tous des migrants. Bien entendu, nous sommes les premiers migrants. En l'occurrence, la première espèce connue du genre Homo, Homo erectus, eh bien c'est dans cette espèce qu'on trouve les premiers migrants qui sont partis d'Afrique vers l'Eurasie, il y a environ 2 millions d'années. On en trouvera sans doute des plus anciens. Et pour migrer en permanence ensuite? Bien évidemment. Nous sommes tous des migrants, tous. Et ceci depuis au moins 2 millions d'années, probablement 3. Michel Brunet, nous allons entrevoir des théories, élaborer des hypothèses. Mais rien ne peut supplanter le terrain. La paléontologie est une science d'observation, observation de fossiles. Pour avoir des fossiles, il faut aller sur le terrain. Vous pouvez, et naturellement avec mon groupe, on utilise toutes les nouvelles techniques, notamment les techniques d'imagerie, avec lesquelles on peut faire des choses absolument extraordinaires. Mais à partir d'un certain moment, si vous n'avez pas de nouveaux fossiles, vous n'allez pas avoir de nouvelles données. Et ces nouveaux fossiles, vous ne pouvez les récupérer que sur le terrain. Donc, il faut aller sur le terrain. Nous n'avons pas besoin de paléontologues qui soient simplement des paléontologues de salon, des armchair paléoanthropologists. Non, il faut faire du terrain. C'est extrêmement important si nous voulons arriver à comprendre notre histoire. Votre communauté est quand même toute petite. Vous recrutez peu de jeunes chercheurs. Pourtant, nombre de chercheurs, justement, ne vont pas sur le terrain. Ce sont des spécialistes des hypothèses. Tout à fait. Alors, c'est pas autrement surprenant parce que aller sur le terrain, monter des expéditions, d'abord il faut être nombreux. Vous ne montez pas une expédition à un tout seul. Pour être nombreux, il faut des finances. Il est inutile de rappeler que par les temps qui courent, trouver des finances pour chercher des vieux os, c'est pas si facile que cela. En plus, à cela, il faut ajouter que bon nombre d'endroits où poussaient des hominidés anciens sont peu fréquentables, voire non fréquentables. Toutes ces choses additionnées font que, eh bien, on manque cruellement de paléontologues de terrain. La collecte de la donnée primaire et d'un fossile manquant, c'est ça le terrain pour vous, qui va vous permettre ensuite de publier et d'émettre des hypothèses? C'est ça, bien sûr. Il m'arrive, assez fréquemment, d'aller faire des causeries dans des écoles primaires. Quand vous expliquez à des enfants que nous, les humains, nous sommes le groupe frère des chimpanzés. Et que nous ne descendons pas des chimpanzés, nous ne descendons pas des singes, mais nous partageons avec eux un groupe ancestral. Au bout d'un moment, les enfants vous demandent, mais dis, tu nous as rien dit sur les chimpanzés fossiles. Et à ce moment-là, vous êtes obligé de répondre, mais les chimpanzés fossiles, on ne les connaît pas. C'est pas sérieux. Mais ça montre, je crois, l'ampleur de ce que nous ne savons pas. Alors, par ailleurs, vous avez plein de choses, plein de détails que les gens veulent discuter, mais à mon avis, à mon humble avis, avant de parler des détails, il faudrait déjà connaître le schéma d'ensemble, avoir une idée, j'allais dire, de l'arbre du squelette de notre généalogie. Et ça, on est encore loin du compte. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que les paléoanthropologues, les paléontologistes cherchent essentiellement des êtres préhumains, et non bien sûr pas des singes, justement parce que c'est notre histoire ? Peut-être, mais je crois qu'il y a autre chose. On a cherché, les collègues ont cherché des chimpanzés fossiles, bien sûr. Moi-même, j'en ai cherché, mais on les a pas cherchés où ils étaient. On les a cherchés dans de mauvais endroits. Et je crois que c'est ce qui explique. C'est la raison pour laquelle on n'en a pas. Si on les cherche là où ils se trouvent, alors on va augmenter nos chances. Et je crois que cela est possible, notamment en Afrique de l'Ouest. Il y a des niveaux qui, à mon avis, sont favorables à la conservation de tels restes. Alors, le salon noir a pour vocation d'être centré sur l'homme. On va faire une entorse exceptionnelle puisque c'est vous. On va parler quelques instants des singes. Des singes, bien sûr, vous en cherchez en Afrique, mais vous en cherchez aussi en Birmanie, vous en cherchez au Vietnam, voire éventuellement bien plus loin et bien plus au sud. Mon équipe a deux préoccupations majeures. L'évolution de la famille humaine, origine et évolution de la famille humaine. Cette partie-là, j'en suis responsable. Le deuxième point est l'origine des anthropoïdes, c'est-à-dire l'origine des singes. Nous sommes, nous, les humains, des anthropoïdes. Et dans cette deuxième partie, nous avons pu montrer que, contrairement à ce qu'on pensait, les singes ne sont très probablement pas originaires d'Afrique, mais sont originaires d'Asie. En tout cas, les plus anciens ne sont plus égyptiens du Fayoum, mais on les trouve maintenant au Myanmar, en Thaïlande et en Chine méridionale. On ne les trouve plus à 35 millions d'années, 35-36 millions d'années, mais on les trouve jusqu'à 50, voire au-delà, 50 millions d'années. Voilà donc une première chose. Deuxième chose, il y a quelques années, j'ai pu obtenir des permis de recherche en Libye. Et en Libye, on a trouvé des anthropoïdes anciens, plus anciens que ceux du Fayoum, on a trouvé des anthropoïdes à 39 millions d'années. Ces animaux sont proches du dernier maximum climatique, 40 millions d'années. Et là, on a des choses absolument extraordinaires. Au milieu de ces anthropoïdes, on a trouvé des restes dentaires de rongeurs typiquement sud-américains. Ces anthropoïdes libyens, certains d'entre eux seraient de parfaits ancêtres aux anthropoïdes sud-américains. D'où l'idée de chercher des ancêtres en Antarctique et en Amérique du Sud. Donc en Antarctique, durant cette période, nous serions dans une période relativement chaude, par force. En Antarctique, vous avez une forêt tropicale humide, celle qui s'étend depuis le Myanmar, qui est en place à 40 millions d'années. La calotte glaciaire se met en place vers 35-36 millions d'années. Donc rien ne s'oppose, même c'est tout l'inverse. Il y a sûrement des singes, sûrement des anthropoïdes en Antarctique. Bien sûr, il faut encore les trouver. Autour de 40 millions d'années, les anthropoïdes sont des animaux de petite taille, de 500 grammes à quelques kilos. Ce qui veut dire que nous cherchons des dents qui ont entre 1 et 2 millimètres de longueur. C'est peu. Et quand vous êtes sur le continent antarctique, croyez-moi, ça vous semble encore beaucoup moins. Michel Brunet, notre histoire aurait combien d'années ? La nôtre, pas celle des singes. Si l'on s'en tient à ce que l'on sait, la réponse pour le moment est 7 millions avec Toumaï. Est-ce que Toumaï appartient encore à la population ancestrale ? Il en est proche. Est-ce qu'il fait partie de la population ancestrale ? Je ne sais pas, peut-être. En tout cas, je ne pense pas que cette dernière dichotomie soit antérieure à 8 millions d'années. Avec Toumaï, on est vraiment très très proche de la dichotomie. Je dirais qu'on peut toucher du doigt la dichotomie. Des tas de choses parlent en cette faveur. La première est simple, toute simple. Depuis que Toumaï a été mis au jour en 2001, croyez-moi, les quelques équipes qui sur le terrain cherchent ont essayé de trouver des choses plus anciennes. Et on en fait partie avec mon groupe, on a essayé de trouver des choses plus anciennes. On a trouvé des niveaux plus vieux que 7 millions d'années. Mais pour le moment, on n'a pas trouvé de restes fossiles. Alors justement, notre point de départ devrait être forcément le dernier ancêtre commun entre d'un côté le singe et de l'autre côté l'homme. Vous me dites 8 millions d'années à peu près pour le début de notre histoire. Toumaï en a 7. Toumaï serait donc aujourd'hui quand même un très bon candidat pour former ce dernier ancêtre commun ? Pour le moment, parmi ces trois hominidés les plus anciens. Je pense à Aurorine, 6 millions d'années, Kenya. Ardipithecus, 5 millions 2, 5 millions 8, c'est-à-dire un peu moins que 6 millions, qui vient d'Éthiopie. Et donc Toumaï, le sahélanthrope, qui vient du Tchad, eh bien, ces trois hominidés anciens, pour le moment, le matériel à notre disposition ne permet pas de préciser les rapports de parenté entre eux. C'est mon avis. Je sais parce qu'ils ont publié. L'équipe de mon collègue Tim White a publié que la forme tchadienne et la forme éthiopienne, c'était le même genre. C'est possible. Quoi qu'il en soit, nous avons affaire là à trois hominidés anciens qui font partie, à mon sens, du buissonnement humain. France Culture, le Salon Noir. Vincent Charpentier. Alors, ce qui est très important pour les auditeurs du Salon Noir de France Culture, c'est de comprendre que ces trois individus, dont Toumaï en tête, ne sont absolument pas des Australopithèques. Nous sommes avant les Australopithèques. Bien sûr, ces formes sont clairement différentes des australopithèques. Rien à voir. Ce qui m'a permis de dire, de montrer que dans la famille humaine, pour le moment, on a décrit trois grades évolutifs. Le premier grade évolutif qui a été décrit, c'est le grade homo, l'homme, sa grade à part entière, caractérisé entre autres par une bipédie terrestre stricte. Le deuxième grade décrit, c'est le grade Australopithecus. Ce grade a été décrit par Raymond Dart en 1925. Et là, on a affaire à des bipèdes, mais des bipèdes grimpeurs. C'est autre chose, ils n'appartiennent pas au genre homo, et ils ont un certain nombre de caractères qui sont des caractères dérivés. On vient de décrire, à mon sens, un troisième grade que j'ai appelé les hominidés du Miocène supérieur, c'est-à-dire les hominidés d'une période géologique, la fin du Miocène. En l'occurrence, ceux que l'on connaît sont connus entre 6 et 7 millions d'années. Ce ne sont, par leur caractère, ni des australopithèques, ni le genre homo. C'est autre chose encore. Peut-être qu'un de ces jours, on va trouver un quatrième grade. J'en sais rien. En tout cas, pour le moment, il semble bien que l'on puisse décrire trois grades évolutifs dans les hominidés qui sont connus. Michel Bonnet, je reviens à ces 7 millions, 8 millions d'années. Et le dernier ancêtre commun entre singes et hommes, entre les hommes d'aujourd'hui hein, et les singes, seuls 1 à 2% de nos gènes seraient différents ? Oui, ben c'est ce qui permet de dire que nous partageons un ancêtre commun. Notre similitude est si grande qu'une telle similitude ne peut s'expliquer que par une communauté d'origine. Ceci veut dire, en clair, que nous sommes tous sœurs et frères, frères et sœurs. Ceci devrait nous permettre d'apporter quelques grains d'humanité à cette humanité qui est en train de se déshumaniser. La paléontologie doit-elle se voir en termes de lignée ? Peut-on penser que Toumaï est l'ancêtre d'Aurorine, que lui-même est l'ascendant d'Ardipithecus, qui engendra forcément le premier des australopithèques ? Certains, peu d'ailleurs, voient les choses de cette manière. Je dois dire d'ailleurs que certains ont beaucoup de chance, beaucoup plus de chance que moi, parce que à chaque fois qu'il trouve un fossile, il est l'ancêtre d'un autre, quoi. Moi, ça m'est encore jamais arrivé. Je pense, moi, au contraire, que à chaque fois qu'on trouve un fossile, c'est une fin de lignée. Il est sur une branche, puis c'est le bout de la branche qu'on trouve, et que probablement il va s'éteindre, quoi, hein, sans donner de descendance. Non, moi, je vois tout cela. Si vous voulez, c'est une image, c'est pas une explication. Vous avez un jardin, vous plantez un arbre. Cet arbre, chaque année, il y a de nouvelles branches qui poussent dessus. Eh bien, on peut avoir Aurorine, c'est une branche, Toumaï, c'est une autre branche qui est plus basse, Ardipithèque, c'est une autre branche qui est plus haute que celle d'Aurorine. Chaque année, sur votre arbre, il y a des branches qui meurent. Une de ces trois branches va mourir, laquelle, je ne sais pas. Toumaï, peut-être. Peut-être Ardipithèque, peut-être Aurorine. Peu importe. Et puis, ce processus va perdurer un certain temps. De nouvelles branches vont apparaître. D'autres vont mourir, puis de nouvelles vont apparaître. Et selon l'essence de l'arbre que vous avez planté, Si c'est un séquoia, ça va durer beaucoup plus longtemps que si c'est un pêcher, par exemple. C'est une image, c'est pas une explication, mais c'est ainsi que je vois l'évolution humaine. C'est-à-dire que l'évolution de l'homme serait bien une sorte de phénomène buissonnant, c'est ça ? Tout à fait. C'est complètement buissonnant. Écoutez, il y a 15 000 ans, on était deux espèces. Le petit bonhomme de Flores, nanisme insulaire, qui avait ses racines, les racines de la branche étaient beaucoup plus basses. Il y a un peu moins de 30 000 ans, 27, 28 000 ans, on était trois espèces, parce qu'il y avait un néandertalien en plus, etc., etc. À un certain moment, autour de 4 millions d'années, entre 4 et 3 millions d'années, il y a eu des moments où on était 4 ou 5 espèces, quoi. Hein. Mais notre évolution n'est pas particulière. Notre évolution, c'est celle d'un groupe de mammifères. Tels sont les groupes de mammifères. Ce qui nous singularise, c'est notre cerveau, notre ordinateur central. Mais ceci intervient beaucoup plus tardivement dans notre histoire. Ceci intervient avec l'apparition du genre Homo. Donc, Michel Brunet, nous serions assis tout simplement sur la dernière branche. Toumaï serait bipède, du moins d'après la base de son crâne, c'est bien ça ? Et non pas ses jambes ? Toumaï est bipède d'après la base de son crâne. D'après son cerveau aussi, mais ce n'est pas encore publié. Et d'après aussi son fémur, qui n'est pas encore publié non plus. Mais c'est bien un bipède. Pour les hominidés préhumains ou humains, la canine est un des éléments diagnostiques. Montre-moi ta canine, je dirai qui tu es. Exactement. Vous avez là, dans ce que vous venez de dire, toute la différence entre la canine d'un grand singe, qui ressemble étrangement à la canine de votre chien, conique, pointue, grande taille, couronne haute, qui dépasse à hauteur les incisives, à la canine humaine qui, au contraire, elle, est asymétrique, à la même hauteur que les incisives, et puis bien d'autres caractères. Toumaï a typiquement une canine qui annonce les canines humaines. Bien sûr que ce n'est pas la canine humaine, mais il a 7 millions d'années. Mais Abel, qui a la moitié, 3 millions et demi d'années, a une canine qui est plus dérivée que celle de Toumaï, mais beaucoup moins dérivée que celle d'Homo sapiens. Vous travaillez en ce moment à la publication du cerveau de Toumaï. Cela, j'imagine que cela sortira dans une grande revue internationale. J'imagine que toute la modélisation possible et toute la technologie moderne a été employée donc pour œuvrer autour de ce crâne. La paléogénétique est absolument impossible sur ce genre d'individu, du moins pour l'instant. Pour le moment, dans les ADN anciens, nos collègues ont fait un travail absolument extraordinaire. Et il faut citer là toute l'école derrière Svante Paabo de Leipzig. Ils ont fait un travail absolument merveilleux. Mais les choses les plus anciennes qu'on arrive actuellement à séquencer sont de l'ordre du million d'années. Million d'années. C'est déjà énorme. Ah, c'est absolument énorme. Il n'y a pas si longtemps que ça, quand vous disiez, je me rappelle avoir dit, mais il y a quelques années, à des paléogénéticiens, oh, vous arriverez aux millions d'années. Ils disaient, non, c'est pas possible, c'est hors d'atteinte. Non, bien sûr, les technologies ont beaucoup avancé et on avancera encore. Mais on n'est pas encore rendu à 7 millions d'années. On en est loin. Pour les éditeurs du Salon Noir de France Culture, je rappelle que nous évoquons nos lointaines origines avec Michel Brunet, professeur au Collège de France. Dans quel environnement se développent ces préhumains ? Des paysages variés ou tout au contraire, vous les repérez, j'imagine, par la faune environnante, notamment pour Toumaï mais pour d'autres ? Alors, je pense que les paysages qui sont nos paysages d'origine, je pense personnellement, mais je suis loin de faire l'unanimité là-dessus, je pense que ce sont des paysages mosaïques. Et je pense que les hominidés sont liés à ces paysages dès le départ, par opportunisme. Je m'explique. Dans un paysage mosaïque, vous avez des zones de prairies, vous avez des lacs, vous avez des rivières, vous avez des zones boisées, vous avez finalement tous les paysages. Et qu'ils sont capables, par opportunisme, d'exploiter la totalité de ce milieu en fonction des besoins du moment. Et je pense que c'est ce qui crée leur avantage. Et tout ça se passe dans des zones où la forêt se réduit comme une peau de chagrin, parce qu'on va vers plus sec et plus ouvert. Et je crois que là, l'opportunisme joue un rôle, à mon sens, très important, voire majeur. La découverte récente d'outils il y a plus de 3 millions d'années, 3 millions 3 environ, fait que l'outil n'est désormais plus le propre de l'homme, et ça c'est quelque chose d'important. Écoutez, ça on le savait déjà. Mais je crois que cette découverte, en l'occurrence, c'est une découverte qui a été faite par Hélène Roche et son équipe. Hélène a commencé ses travaux au Kenya à une époque où les plus anciens outils taillés étaient un peu plus d'un million d'années. Et il les a fait reculer dans le temps de 2 millions d'années. J'en parlais récemment avec elle et je trouve que c'est absolument extraordinaire, quoi. C'est extraordinaire. Si vous aviez dit, quand j'étais étudiant, que on allait avoir des outils taillés à plus de 3 millions d'années, on vous aurait dit, attends, ça va pas, c'est pas possible, c'est bon. En tout cas, avec la naissance du genre homo, c'est-à-dire réellement l'homme, on assisterait réellement à une réorganisation neuronale, réorganisation du cerveau. Il semble bien. On a décrit au moins des réorganisations neurales chez le genre homo qui sont marquées par, entre autres, par un élargissement au niveau des lobes antérieurs du cerveau, c'est-à-dire dans les aires de la cognition. Attendons de voir, mais je crois que là aussi, il y aura sans doute des surprises, de grosses surprises. Et le cerveau, c'est compliqué. L'image que nous en avons pour les fossiles est une image très imparfaite. Et vous reconnaîtrez avec moi que ce que nous en savons pour l'actuel, c'est aussi très peu de choses. Donc ne nous précipitons pas. Allons au fil des découvertes et attendons de voir ce qui va se passer. Prudence, n'allons pas trop vite. Le titre du livre de Michel Brulet, Nous sommes tous des Africains, publié aux éditions Odile Jacob. Le Salon Noir a été réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Cédric Chatelus, avec la contribution de Catherine Donnet. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur la page du Salon Noir, sur le site franceculture.fr, retrouver plus de 300 archives de l'émission sur le site inrap.fr. La semaine prochaine, place à la mythologie préhistorique.